Les contes marchands du Zanstibou Mulad. 2. Celui qui demande. Lu par l'auteur. Il y avait sur ce plateau si haut que jamais de mémoire de planète plus haut plateau ne fut habité par des hommes. Il y avait sur ce plateau si haut, caché par des chaînes de montagnes infranchissables, appelées Zanstibou Mulad. Il y avait sur ce si haut plateau, dans ce petit royaume, un jeune garçon qui possédait un don particulier. Il se plantait devant vous, ce garçon-là, croisait les mains derrière le dos, penchait un peu la tête et souriait d'un sourire qui ne s'explique pas. Un sourire de pur bonheur. Et quand il se plantait devant vous, tête penchée, main derrière le dos, il semblait vous dire « Je t'offre la joie dont je possède le secret. » Vous vous surpreniez à sourire comme lui, tête un peu penchée. Vous sentiez vos mains glisser derrière votre dos et vous ignoriez tout à coup, au plus fort de l'hiver, la morsure du froid. Alors, de sa voix la plus douce, il vous demandait de lui rendre un service. Qui aurait pu résister? Quand il devint jeune homme, sa réputation était bien établie aux Zanstibou Mulad et nul ne pouvait se vanter de lui avoir refusé quoi que ce soit. Celui qui s'en serait vanté aurait été considéré comme un cruel sans cœur. Aussi, quand lui vint le goût des filles, on jugea aussi prudent qu'urgent d'enfermer les promises. Les autres croquèrent dans la joie offerte et chaque jour compta un nouveau jaloux. Il fut temps de le nommer. Il désirait être appelé celui qui offre. Celui qui nomme refusa sous le prétexte qu'une Zanstibou Muladienne qui donnait de la joie s'appelait celle qui s'offre et que l'on pourrait confondre. Il appela le jeune homme celui qui demande. L'époque du mariage était venue pour le prince du royaume. Il ne pouvait se marier avec une fille de son pays et devait donc demander la main d'une princesse d'un autre pays, mais rares étaient les habitants de la planète qui connaissaient le Zanstibou Mulad. On consulta celui qui devine, frère de celui qui nomme. Celui qui devine, fils de celui qui devine, lui-même, etc. surprit le sourire de celui qui demande à sa femme alors qu'il venait de s'enfermer dans une cellule de 3 m3 33, dite cellule des grandes décisions vitales, pour une période de 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures et 3 minutes. Il y alluma chaque jour 33 cubes d'encens et 3 pipes de 3 cm3 d'une herbe rare réservée aux nécessités de grande lucidité, appelée Opiumus Veridis Concentratum. Quand il sortit, il dit « Je sais. Il existe loin là-bas, très loin soit, mais tout droit, face au soleil levant. Un pays situé juste au bord du monde, si près du bord qu'on l'appelle l'avant-vide. Il y a dans ce petit royaume une princesse si belle que le soleil ralentit sa course quand il passe au-dessus d'elle. Elle seule est digne de notre prince, dont la beauté retiendrait aussi le soleil si le soleil était femme. Nous devons envoyer un messager en avant-vide pour demander la main de cette princesse, et nul n'est plus qualifié pour cette mission que celui qui demande. » Celui qui demande, qui ne pouvait refuser, songea qu'il avait bien fait de pousser l'épanouissement du sourire avec la femme de celui qui devine jusqu'au cri de joie. Il quitta le pays en descendant sur la glace de la rivière. Une délégation officielle du royaume, de laquelle on avait exclu toute femme, l'accompagna jusqu'au moment où les falaises, hautes comme 1000 hommes grimpés les uns sur les autres, commencent à s'ouvrir, car alors débute le vaste et redouté royaume du bas. Combien de Zanstibou Muladiens n'en étaient jamais revenus de ce royaume-là? On colportait à son propos les pires histoires et l'on n'en savait qu'une chose. C'est que toute la neige qui fondait, toute la pluie qui tombait aux Zanstibou Mulad se perdait dans le fond de ce royaume du bas. Un fond appelé océan. Des animaux y nageaient, quelques îles y surnageaient et la plus grande s'appelait Amérique. Et l'on plaignait fort ces habitants du royaume du bas qui, quand l'océan déborderait parce qu'il ne pourrait plus contenir toutes les eaux du Zanstimobulad, seraient irrémédiablement noyés. La délégation regarda s'éloigner celui qui demande. Quand il devint point noir qui se perdit dans l'infiniment blanc, elle remonta, pas très fière, mais si soulagée. Celui qui demande descendit pendant plusieurs jours, sans rencontrer la moindre maison. Il marchait lentement. Il devinait son voyage très long et ne voulait pas emballer l'âme. La dernière décision de sa tête avait été « Mes pieds jugeront ». Le soleil se levait derrière une immense chaîne de montagnes. Ses pieds ne pouvaient pas marcher face au soleil levant. Il tentait de contourner ce massif qui ne cessait d'étirer ses cimes. Quand ils s'arrêtaient, leurs orteils regardaient, souriant celui qui demande, l'ongle un peu penché. Celui qui demande alors souriait à la montagne, penchait un peu la tête et s'étonnait qu'elle refuse de s'ouvrir, elle qui se déverrouillait à la demande dans les histoires que lisait celui qui envoûte, le grand conteur du Zanstimobulad. Alors qu'il avait terminé depuis la veille sa provision d'orge, il passa devant la première maison du royaume du bas. Il y offrit sa joie, on lui donna une ration. Alors, plus il descendit, plus la nature le gâta de ses opulences. Chaque lever de soleil lui semblait une page ouverte dans un grand livre d'images qui aurait pu illustrer les contes de celui qui envoûte. La neige fit place à l'herbe, et l'herbe verdit et crut jusqu'à devenir arbre. Il atteignit le nirvana buccal quand il goûta son premier bol de riz. Il s'évanouit en mordant sa première tranche d'orange sur les lèvres d'une jeune fille qui avait aimé son sourire. Ses pieds, chaque jour, ralentissaient encore tant il désirait tout voir et entendre, et toucher, et sentir, et goûter, goûter, encore goûter. Il l'emmenait chaque soir au seuil d'une porte accueillante. Il souriait, penchait la tête et ajoutait à la cueillette des fruits diurnes la conquête des fruits nocturnes. Personne ne savait où se trouvait l'avant vide. Celui qui devine n'avait imposé nulle date de retour, il allait donc au rythme de ses rencontres, cherchant toujours la faille qui traverserait la montagne. Puis un jour, une porte se ferma, puis une autre, encore une autre. À peine ouvrait-il la bouche qu'on le regardait comme une bête curieuse. Celui qui demande découvrit ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Des hommes et des femmes parlant une autre langue que le Zanstimobuladien. Sa vision du monde en fut bouleversée. Il en éprouva une vive excitation et décida sur le champ d'apprendre cette nouvelle langue. Il parvint en cet étrange pays à trouver une femme qui connaissait quelques bribes de Zanstimobuladien, assez pour comprendre sa question « Voulez-vous être ma maîtresse ?» Le temps que s'épanouissent dans les nuits les sourires d'une douzaine de lunes entières, il explora avec elle les secrets de la nouvelle langue. Il en compara les qualités avec la sienne, puis, satisfait, il remercia et reprit son chemin riche de deux langues. Ce qu'il ignorait, c'est que ce nouveau pays-là était un petit pays dont il toucha vite la frontière. Et après la frontière, il lui fallut trouver une nouvelle maîtresse pour apprendre la nouvelle langue du nouveau pays. 12 autres lunes entières plus tard, il reprit son chemin riche de 3 langues. Il ne marchait toujours pas face au soleil levant tellement cette montagne n'en finissait plus d'étirer ses cimes. Comme si elle voulait, au fur et à mesure de son éloignement, faire vibrer les profondeurs minérales de son âme en lui rappelant qu'il venait d'un pays où la montagne enfante des sources qui fécondent des pierres qui accouchent de champs d'orge. Lui, résolument tourné vers la plaine, marchait toujours. Il traversa d'autres pays, y demeura le temps d'une douzaine de lunes entières pour s'initier à de nouveaux secrets linguistiques. L'avant vide, nul ne connaissait. Alors, « Continuons, disait-il. » Il entendit parler d'un pays dont l'immensité dépassait la plus immense des imaginations du côté du soleil levant. Un pays qui avait inventé les temps nouveaux et que ses habitants louaient et chantaient derrière des drapeaux rouges pour éradiquer les temps anciens. Celui qui demande ne savait pas à quoi on reconnaissait un homme des temps anciens d'un homme des temps nouveaux. Dans le doute, il priait pour que l'avant-vide ne se trouve pas au bout de ce pays-là qui pouvait l'éradiquer s'il se trompait de temps. Puis un matin, alors qu'il pouvait enfin, depuis quelques jours, marcher face au soleil levant, il découvrit une immensité aussi plate que brillante qui virait au bleu au fur et à mesure que l'astre se hissait aux cieux. Il s'arrêta au bord d'une haute falaise face à l'océan. « Serais-je au bout du monde ?» se demanda-t-il. D'après celui qui devine, le bout du monde était un gouffre sans fond. Il devait donc traverser cet océan-là où nageaient des animaux et surnageaient des îles. Il avait appris un mot inconnu aux Anstimumulades, bateau. Il marcha, entra dans une grande ville, vit un grand bateau, sourit, pencha la tête et devint apprenti marin. Le bateau navigua longtemps face au soleil levant. Plus de maîtresse pour lui apprendre des secrets, mais des hommes qui ignoraient ses questions. Il se perdait dans l'immensité bleue et couchait sur le pont pour ne rater aucun lever de soleil. Le bateau accosta sur une terre dont une nouvelle chaîne de montagnes barrait loin, très loin à l'horizon. Il disparut dans une nuit sans lune et d'infini dédale de rues. Il erra, souriant, tête penchée, de femme en femme, voulant apprendre et le clamant dans toutes les langues qu'il connaissait. Il ne rencontrait pas le moindre écho jusqu'au jour où... Il resta 25 lunes entières auprès de sa nouvelle maîtresse qui connaissait les déclinaisons les plus subtiles, les charmes les plus raffinés de cette langue si nouvelle dont les signes et les sons différaient tellement de tout ce qu'il savait. Cette maîtresse, malgré toute sa science, n'avait jamais entendu parler de l'avant-vide. Elle affirma même un jour que ce pays ne pouvait pas exister puisque la terre n'avait pas de bord. « Pas de bord ? » s'exclama celui qui demande. « Non, puisqu'elle est ronde. » Il fut secoué d'une crise de fou rire qui le laissa exsangue. Quand, plus tard, il eut le mal du pays, il songea à la rotondité de la terre pour chasser toute nostalgie. Un matin, après une nuit particulièrement riche en découvertes linguistiques, le soleil resta caché derrière la lune. « Celui qui devine me voit, dit-il, c'est son signe. Si je reste, plus de soleil. Vite, il a le pouvoir qui ne plaisante pas. » Il partit en courant, avec, pour tout bagage, l'image de sa maîtresse pâle aux bras levés, comme figée, devant sa maison, les saveurs de sa langue et la machette qu'elle lui offrait. Alors, le soleil sortit de derrière la lune et la puissance de celui qui devine impressionna celui qui demande. Lui qui avait tant marché pour éviter la montagne d'avant l'océan n'avait plus le choix. Il devait franchir la cordillère, il l'appelait ainsi dans ce pays, et redescendre dans un océan vert de forêt, lui avait-on dit. Il grimpa tout en haut de la cordillère, la remercia pour sa modestie, puis plongea dans l'océan vert. Il fut attaqué par tellement d'insectes qu'il ne doutait pas d'être parvenu dans l'enfer des plaines compté par celui qui envoûte. Il avançait dans les bruissements menaçants au rythme des coups de machette. Il ne voyait plus la lune, ne distinguait plus le soleil levant du soleil couchant. Il mangeait ce qu'il trouvait sur les arbres foisonnants et n'échappait à aucun empoisonnement. Entre nausées, vomissements, diarrhées, étourdissements et évanouissements, il avançait. Il crut voir, par un matin de crise, dans une clairière, sous des huttes, des femmes si nues, qu'il fut pris d'une grande envie d'apprendre. Surgirent alors des mâles peints et rugissants aux carquois pleins et arcs longs bandés dans sa direction. Il ferma les yeux et récita la prière qui libère les consciences énergies de leur enveloppe charnelle afin qu'elle guide son âme vers son prochain corps. Quand il les rouvrit, les malpeints avaient débandé leurs arcs. Ils s'étaient agenouillés et se prosternaient devant lui. On lui présenta une calebasse pleine d'eau et il comprit. Rouge, enflé de la tête aux pieds, il ressemblait plus à une grappe de gros boutons qu'à un homme. Or, partout était dessiné, peint, gravé, un personnage devant lequel tous se prosternaient, leur dieu, qui ressemblait étonnamment à une grappe de gros boutons. Il fut accueilli par la grande prêtresse du village. Elle s'étonna que ce dieu ne sache ni parler ni chasser, mais il était tellement ressemblant. Il fut initié au secret de la chasse par le mari de la grande prêtresse et à ceux de la langue par leur fille. Entre deux cours, elle le peignait, nu, des pieds à la tête, puis elle appelait ses amis pour qu'elle commande son œuvre. Tandis qu'elle scrutait, comparait, touchait, celui qui demande avait l'impression de manquer de repères. Après bien des lunes, il connaissait assez de mots pour expliquer sa quête. La prêtresse confirma que la beauté de la princesse d'Avant-Vide était légendaire. Elle s'étonna que ce dieu-là ne connaisse pas la route de l'Avant-Vide, mais il était tellement ressemblant. Lui, chaque jour, allait se faire piquer en secret par des insectes répugnants pour rester rouge et enflé. La grande prêtresse lui expliqua le chemin de l'Avant-Vide et l'on prépara le départ. Il fut conduit au bord d'un fleuve sur lequel des hommes peints ramaient dans des troncs d'arbres. Il descendit avec eux pendant plusieurs jours, puis fut installé dans un tronc plus petit. Il partit donc seul, nu, peint, face au soleil levant. « C'est simple, » lui avait dit la prêtresse. « Tu rameras pendant des lunes et des lunes et encore des lunes entre les deux rives de l'océan vert jusqu'à l'océan bleu. Alors, tu rameras encore pendant des lunes et des lunes et encore des lunes, et tu arriveras. » Il ramait, ramait, ramait. Les singes qui se moquaient de lui quand il accostait maladroitement se taisaient quand il bandait son arc et que la flèche qui sifflait transperçait un persifleur qui chutait. Puis il ramait, ramait, ramait. Il se demandait comment, au retour, avec la princesse dans le tronc, il allait bien pouvoir remonter les rapides qu'il franchissait. Parfois, les rives s'élargissaient tellement qu'il avait l'impression d'entrer dans l'océan bleu, puis elles se resserraient. Alors il ramait, ramait, ramait. Parfois, le fleuve se partageait en deux. Il parvenait au bout d'un bras mort qu'il devait remonter en ramant, ramant, ramant. Il ramait depuis des lunes, et puis presque encore des lunes, mais pas tout à fait, quand il se perdit dans un labyrinthe. Il ne sut jamais combien il remonta de bras d'eau, mais un peu de lassitude, parfois, lui vint. Il la chassait en songeant à la prétendue rotondité de la terre sur laquelle, pensait-il, il glisserait tellement mieux dans le sens de la descente. Jusqu'au jour où il parvint à la frontière entre les deux océans. Il décida de se reposer un peu avant la dernière traversée. Il sourit, pencha la tête, trouva une nouvelle maîtresse. Il faut dire que ce petit homme-là, qui arrivait nu et peint d'où on ne savait dans son tronc d'arbre, encore un petit peu bouton sur les bords, suscitait une vive curiosité. Il apprit vite l'habitude. Quand il put demander à combien de temps était estimé le voyage jusqu'à l'autre bord de l'océan bleu pour un bon rameur, il déclencha des rires. Il en fut affecté. Il décida de rester pour corriger son péché d'orgueil, dégonflé tout à fait, et mieux se renseigner sur les distances. Une vingtaine de lunes plus tard, il sourit, pencha la tête, fut embarqué en qualité de marin. Une lune après, il débarquait de ce bateau qui avait navigué face au soleil levant, convaincu qu'il parvenait en Avant-Vide. Il se renseigna sur l'Avant-Vide, mais quelle sonorité que les sonorités de cette nouvelle langue! Combien de temps devrait-il rester pour la déchiffrer? Il chercha une nouvelle maîtresse, mais les femmes sortaient voilées. Elles fuyaient au premier regard. Un jour, il insista un peu trop. La femme cria. Un homme surgit, couteau en main. Celui qui demande admira les fines ciselures du manche et le tranchant du fil, mais pas trop longtemps. Peut-être la prêtresse lui avait-elle fourni de mauvais renseignements. Il y avait des terres, là-bas, encore, face au soleil levant. Il marcha face au soleil levant. Une lune entière plus tard, toujours il marchait, toujours les femmes se voilaient, toujours les couteaux frémissaient. Lui qui sur l'océan avait salué toutes les voiles apprenait sur terre à les ignorer. Les hommes, en revanche, devançaient ses questions, mais les dialogues restaient limités. Il tentait toutes les langues qu'il connaissait presque toujours en vain et ne se décidait pas à chercher un maître. Eux ne comprenaient pas, mais l'invitaient et lui offraient gîte et couvert. Il entrait yeux baissés, mangeait yeux baissés, dormait yeux fermés. Parfois, trop seul, trop là, il tentait des questions, demandait par geste à des hommes pourquoi dans des voiles. Trop laide? Trop mauvaise? Comment? Que je marche vite. Loin. J'y pensais, oui. Je suis attendu en avant-vide. Et puis l'idée lui vint que la princesse d'avant-vide ne pouvait pas être voilée. Sinon, comment celui qui devine aurait-il connu sa beauté? Il fallait donc marcher encore jusqu'à des nouvelles sonorités. Il marcha. À sa gauche scintillait toujours le bleu plat jusqu'au-delà des horizons. Comme à côté d'un grand frère rassurant, il marchait sans pause, depuis avant les soleils qui se levaient parce qu'il lui disait « c'est par ici et pas fini », jusqu'après ceux qui se couchaient parce qu'il aimait se sentir grain de tison dans l'infini brasier qui mêlait cieux et eaux. Comme il avait pesé le poids de son existence dans les cœurs qu'il avait vaincus et des sourires qui allongeaient des femmes, il commençait à le peser dans des marches qui apaisaient son âme. Il pêchait des dîners mangés loin des villages quand il se sentait las de ne pas oser, las d'ignorer, las de regarder ses pieds auxquels il vouait pourtant reconnaissance et admiration, las de se sentir trop étranger dans ce pays trop étrange. Ou, plus exactement, il ne se tut pas complètement. Il demandait chaque matin au soleil levant « C'est encore loin ?» Le soleil répondait « Tu n'en as jamais été aussi près. » Il soupirait d'aise et devenait léger comme plume. Pendant combien de lunes entières marcha-t-il le long de cette bleuitude? Il ne le sut jamais, mais plus il imprimait à ses marches sans bornes des cadences tranquilles qui roulaient son cœur dans la houle de sa poitrine, plus son esprit s'armait de réponses paisibles, et plus sa peau s'ouvrait le matin comme pétale qui buvait l'alentour pour mieux se fermer le soir comme drap le baignant des mois. Dans la tiédeur d'un petit matin dont la brise avait des accolades marines, au-dessus d'une colline de sable jaune, tandis qu'il mordait dans une grappe de dattes fraîches et que les premières caresses de l'astre peignaient de roses des toits blancs devant la tranquille nappe bleue, il se surprit à espérer que l'avant vide était encore loin. Elle l'était. Il lui fallut marcher encore pendant beaucoup de lunes entières avant d'arriver devant un canal où glissaient des bateaux grands comme des bateaux d'océan. Il sourit, pencha la tête et demanda « L'avant vide, c'est encore loin ?» Et comme nul ne répondait, il se répliqua « Tu approches, petit ?»« Ah bon ? Oui, mais tout droit. »« Ah bon ? Oui, mais... » le temps d'encore beaucoup de pas. Ah bon! Il traversa le canal, suivit encore sa bleuitude pendant 3 jours, puis il dut la quitter et là, s'étonna. Une nouvelle immensité le défiait, qui semblait singulièrement manquer d'eau. La traversée s'annonçait aride. Alors il sourit et pencha la tête. Après beaucoup d'infructueuses tentatives sous un soleil qui le recroquevillait chaque jour, il fut embauché, desséché dans une caravane comme il en avait tellement vu depuis qu'il marchait dans cet étrange pays. Il revêtit les habits de rigueur et s'embarqua sur le sable comme il s'était embarqué sur l'eau, derrière des bosses qui imitaient des vagues. Et lui qui n'avait pas cherché de maître en trouva plusieurs qui, chaque soir, autour des feux de camp, de chanson en chanson, l'initièrent au secret de leur langue et qui, chaque jour, l'initièrent au secret du désert. Ils lui dirent qu'ils allaient très loin, du côté du soleil levant. Du côté de l'avant vide, alors ? L'avant vide ? Jamais entendu parler. Alors celui qui demande pensa qu'il aurait peut-être dû poser quelques repères sur son chemin pour le retour. En attendant, il apprenait encore. La caravane marcha sans répit pendant 5 lunes entières. Celui qui demande peinait pour suivre ses compagnons. Lorsque vint le temps où ils n'eurent plus le droit de boire ni manger depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, il marcha dans une sorte d'engourdissement de la conscience et s'étonna chaque soir d'avoir fait autant de distance que le prétendaient les caravaniers. Peut-être n'avançait-il que pour rejoindre toutes ces jeunes femmes qui surgissaient des sables devant lui, chantaient et se dévoilaient en lui offrant leurs sources. De ces apparitions qui faisaient flamber son désir sous le soleil du désert, jamais il ne parlait dans l'épuisement du soir, quand ses compagnons chantaient et dansaient autour du feu de camp sans se dévoiler. Puis ils purent de nouveau s'alimenter sous le soleil. Alors, les longues étapes lui semblèrent des promenades et il comprit le sens de l'épreuve. Il repérait de plus en plus loin les taches vertes sur les collines ocre et leurs promesses d'eau, de dattes et d'oranges. Il s'allongeait béat dans les bras du sable, l'ombre des palmiers et le son d'une flûte lancinante, puis il laissait la nuit effacer ses pensées pour mieux se lever entre 2 grains. Si on lui avait dit à cet instant « Et l'avant vide ?» il aurait répondu « Pfff !» La caravane s'arrêta dans une grande ville après la 5e lune entière. Toutes les marchandises y furent vendues, d'autres achetées, les bêtes de nouveau battées. Le chef dit à celui qui demande « Tu peux être des nôtres et devenir un homme du désert. » Celui qui demande, dans la grande ville, avait revécu ce désert. Songez à celui qui devine aussi. Rêvé d'avant vide et très peu dormi. Il montra d'un doigt résigné le soleil levant, puis regarda s'effacer la caravane dans le nuage de poussière qu'elle soulevait du côté du soleil couchant. Il marcha encore pendant bien des lunes, franchit quelques montagnes à l'amusante humilité, puis arriva dans une plaine où proliféraient des enfants qui, comme lui, tendaient la main à des hommes équanimes et des femmes dévoilées. Il comprenait mal comment, si loin de chez lui, il entendait une langue dont les sonorités lui étaient si familières qu'il pouvait se passer d'un nouvel apprentissage. En même temps, son désir de perfectionnement le poussait à chercher maîtresse, mais il suffoquait dans cette soudaine multitude après de si longues lunes en désert et solitude. Il s'enfonça dans la plaine à un rythme si soutenu que les habitants, après son passage, échangeaient un muet regard signifiant « pauvre homme ». Il suivait ses pieds, même s'il n'en comprenait ni l'empressement ni l'inquiétude, puis il distingua une ligne sombre qu'il pressentit menaçante et qui, avec les jours, s'éleva, se déforma, jusqu'à devenir une chaîne de montagnes dont les altitudes lui donnaient le vertige. Il la montrait à des paysans, leur regard respectueux vers l'horizon confirmait ses craintes. La contourner, encore, par le sud ou par le nord? À moins qu'une faille? Alors, tout droit. Il marcha tout droit et s'éleva. Jusqu'au jour où il s'arrêta net. Il se pinça, se gifla, se mordit, se griffa, se donna des coups de pied. Il ne rêvait pas. Il était déjà passé par ce carrefour. Il y avait hésité et avait pris la route du sud, grâce à laquelle il avait rencontré sa première maîtresse. Il demeura prostré, hébété, tenta de comprendre pendant des heures. Il dut s'allonger, fiévreux, tellement les épines du doute ensanglantaient ses certitudes. Les mains crispées sur son crâne affligé, il luttait pour trouver une issue et l'apaisement ne vint qu'au matin quand il admit que sa maîtresse, de là-bas, de l'autre bout, avait eu un petit peu raison. Il était impossible que la terre soit ronde. Bien. Pourtant, il en avait fait le tour. S'il en avait fait le tour, c'est bien qu'elle devait être un petit peu ronde d'un certain côté. Mais alors, L'avant vide, au bord du bout. De quel bout du rond ? Il s'accorda un sursis pour répondre. En état d'ivresse cérébrale, il parvint à la rivière gelée. Elle n'était pas gelée. Il grimpa au col du dernier palier, interdit à tout piéton car gardé par les démons. Pendant que sa poitrine mendiait l'air raréfié et que ses pieds pesaient les dangers des pierriers, sa tête tentait d'imbriquer ses idées. Aucun démon ne lui barra le passage au col. Il redescendit. Qu'allait-il leur dire ? Que pouvait-il leur dire ? Il apparut et les bouches béèrent. Les questions fusèrent. Il ne pouvait finir une phrase sans être interrompu. Il répondait le plus lentement possible et marchait le plus vite possible. Quand il parvint au palais, il avait répondu à tous et n'avait rien dit. Il fut reçu par celui qui devine, devenu tout petit, tellement il s'était voûté. Celui qui devine dit à celui qui demande, « Tu es parti depuis 203 lunes entières. Nous t'avons cru mort et nous avons trouvé une autre fiancée pour le prince de notre pays, une plus modeste, soit, mais plus accessible. D'ailleurs, une fille est née de leur union qui est en âge de se marier. J'ai parlé aux dieux. Nous devons l'unir avec le fils de la princesse d'Avanvide. Et puisque tu connais le chemin, va et demande. Tu peux partir dès maintenant. » Celui qui demande, tandis qu'il cherchait ses mots pour expliquer sa découverte, regardait celui qui devine infliger à sa bouche des positions officielles en ignorant les jets de sang qui striaient ses pupilles de désirs assassins. Il répondit oui, rien de plus, oui, et il partit. Il retraversa le plateau minuscule. Se souvint qu'enfant il tremblait de respect devant son immensité. Les montagnes alentour étaient bout du monde et ceux qui s'en approchaient des aventuriers intrépides. Il repassa par le col du dernier palier, tira la langue au démon et descendit sur le chemin qu'il avait emprunté 203 lunes plus tôt. Une idée lui était venue, il voulait en vérifier la pertinence. La terre était ronde, soit, mais une assiette aussi était ronde. Et s'il avait fait le tour du dessus de l'assiette, se demandait-il. Rien ne prouvait que l'assiette terre était ronde de partout comme une balle. Soleil levant à sa droite, il marcha donc résolument vers le dessus de l'assiette. Il effleura sans s'attarder de nouvelles découvertes linguistiques avant de s'enfoncer dans une nuit aussi longue que glaciale, engoncé dans des couches de peau de phoque dont il suçait les graisses. Il en sortit, descendit à travers d'infinies forêts de pins dont il franchit les limites entre des lacs plus grands que mille anstibumulades. Il évita plus bas les villes dont les maisons hautes comme des cimes lui semblaient si fragiles. Il traversa bien de l'aridité encore, franchit un autre canal où glissaient des bateaux grands comme des bateaux d'océan. Il s'était défait de ses couches, mais il avait encore trop chaud sous sa seule peau. Il côtoya une bleuitude nouvelle, et cette bleuitude le mena dans un port qu'il reconnut. Il se perdit dans une nuit sans lune et le dédale des rues. Il frappa à la porte de sa maîtresse. Elle le reçut, gênée, avec enfant dans les jambes et mari sur le dos. Regardant son ventre à l'accouchement proche, il lui expliqua qu'il vérifiait sa théorie de la rotondité. Regardant les orteils ancrés et les poings serrés du mari, il expliqua qu'il ne restait pas. L'océan à sa droite, il descendit jusqu'au bout de la terre en des pays dont les vents rivalisaient avec ceux du Zanstimobulade. Là, il pencha la tête en vain. Nul ne voulait l'emmener sous l'assiette terre. Il finit par embarquer sur un bateau qui le laissa de l'autre côté du bas, sur une île océan où sautaient debout des gros lapins. Il la traversa, embarqua de nouveau et, bref, une centaine de lunes entières après son deuxième départ, par un matin d'hiver qui ne faisait pas semblant d'être un hiver, il parvint à l'embouchure de la rivière gelée. Il savait que l'assiette terre était ronde du dessus et du dessous. Il monta, bien décidé à leur expliquer aux anstibomulades que la terre était ronde de deux côtés au moins. Bien décidé à leur enseigner les langues et les pays qu'ils connaissaient. Il s'étonnait de voir des grands vautours rôter avec autant de bonheur. tombé sur la rivière, se ficher dans la glace et succomber dans un dernier renvoi. Au milieu du canyon, là où les falaises mesurent 500 hommes grimpés les uns sur les autres environ, il vit arriver, descendant du Zanstibou Mulad, un jeune homme qui portait un gros sac. « Je m'appelle celui qui continue, lui dit le jeune homme. Je voulais porter mon sac de compte là-haut, mais les piquets des temps nouveaux sont arrivés avant moi. Ils fabriquent des ruines, nous interdisent d'entrer, arrachent les langues de ceux qui insistent. » Celui qui demande fit demi-tour et ils descendirent ensemble. Quand la rivière s'aplanit, que les falaises se couchèrent et que plusieurs chemins devinrent possibles, celui qui continue demanda « Et maintenant ?»« Je ne sais pas. Je pourrais peut-être vérifier si, obliquement aussi, la terre... »« Alors, va doucement. Et toi, lis doucement. » Celui qui continue pesa son sac. Il regarda vers le Zanstibou Mulad. Il savait le chemin qui passe sur des sommets si hauts qu'ils ignorent les frontières des hommes, dans des vents si froids qu'ils paralysent les foyers sans flamme, sur des pentes si raides qu'il faut des pattes de mouche pour s'y accrocher. Il pensa qu'il était têtu, en éprouva un peu de fierté, mais cette histoire-là est une autre histoire, c'est l'histoire de celle qui déloge. Quant à celui qui demande, il avait pointé un bras vers le soleil levant, un autre vers le nord. Puis il avait visé un point qui partageait en deux angles égaux l'angle droit dessiné par ses deux bras, et il marchait en direction de ce point-là, direction l'horizon.